Nouvelle 18, dans la peau d'un autre. Nous en étions au dessert et peut-être même au café, et peut-être même plus loin encore, quand un de nos convives, l'oculiste Jean Fourier, celui que nous ne ratons jamais, comme de juste, d'appeler le Sar Jean Fourier, mit sur le tapis la question de la Rose-Croix. Tout ce qui pouvait passer pour une table dans l'appartement se mit, sans plus de retard, à valser comme feuilles mortes, aux grandes dames des porcelaines qui, dès lors, jonchèrent le sol en assez grande quantité pour déterminer des volumes entiers de Sully Prudhomme. Moi, je m'en fichais pas mal, tant mon verre était vide. Magie, cabale, satanisme, théosophie, ésotérisme, pelle à dents, pôle à dents, brosse à dents, au-delà, ailleurs, pas par là, là-bas, émaillant la plus grabugeuse des conversations. Les yeux des spiritualistes luisaient comme d'un feu intérieur et les matérialistes avaient froidement des haussements d'épaules nord. Quant aux indifférents, leur attitude consistait à s'enfiler des verres d'Irish whisky comme s'il en pleuvait. Pour ce qui est de moi, si ce détail peut vous intéresser, je me trouvais à la fois spiritualiste, matérialiste et indifférent. Il y a des jours où on est en train. La force n'était-elle vraiment qu'une propriété de la matière? Et je me prenais à en douter, fou d'angoisse. N'y aurait-il pas, qui sait, des esprits baladeurs en l'ambiance, insubstantiels, mais alors? Un nouveau verre de whisky m'apporta quelque calme, cependant que le Sar Jean Fourier causait maintenant bouddhisme, avatar et autres. On pouvait, affirmait-il, vous enlever votre moi comme un simple mouchoir de poche, et le trimballer dans l'enveloppe périssable d'un autre humain dont vous héritiez de l'âme durant cette opération. Du coup, un matérialiste de la bande perdit patience et s'écria « Tas de niais !» Ce fut même un autre mot qu'il employa. « Tas de niais ! Camionneur d'âme ! Vous donnez raison à vos théories, car vous avez tous dans le crâne des esprits d'andouille. Dites-moi tout de suite, pendant que vous y êtes, qu'on pourrait faire émigrer le son du gros bourdon de Notre-Dame dans cette sonnette de salle à manger, tas de niais. » J'insiste pour dire que ce fut un autre mot qu'il employa. Entre ceux qui se faisaient remarquer par leur mutisme, je signalerai spécialement notre brave ami, l'Américain Harry Cover. Harry Cover employait pour le moment toute son énergie à se confectionner des grogs au whisky, composition où il entrait relativement peu de sucre, et pour ainsi dire, presque pas d'eau. « Et toi, Harry, fit l'un de nous, crois-tu aux avatars ?»« Si quelqu'un ici veut que je tomberai de mort, il n'y a qu'à me parler de cette question. Elle me rappelle la plus effroyable période de ma vie. » nous écriâmes-nous simultanément. « Oh, pour Dieu !» continua Harry, en proie à la plus vive détresse. « Ne me parlez jamais de la transmigration du moi. » insistâmes-nous. Tel que vous me voyez, je me suis promené toute une journée à Paris, dans la peau d'un autre que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam, elle. Si vous croyez que c'est agréable, conte-nous ça, Harry. Et Harry Cover voulut bien nous conter ça. Il y a environ un an. Comme aujourd'hui, nous avions passé toute la nuit chez un camarade du quartier latin à causer de choses surnaturelles ou réputées-elles. On avait fait tourner des tables. On avait évoqué des esprits, très gentils, ma foi, et très complaisants. Il faut croire qu'on n'est pas très occupé dans l'autre monde, car au premier appel, tous ces messieurs, Homer, Alcibiade, Jésus-Christ, saint Thomas, Louis-Philippe, feu Toupinel, se mirent à notre disposition le plus gracieusement du monde. Débarqué depuis peu à Paris, je me sentis fortement émotionné par ce genre d'exercice, et au petit matin, je crus devoir sortir à l'anglaise. Dire que je n'avais rien bu au courant de cette séance serait un mensonge impudent. Bref, je me sentis tout drôle dès que l'air frais de la rue frappa mon visage. Je descendis la rue Saint-Jacques et me trouvai devant la morgue. Machinalement, j'entrai. Horreur des horreurs, le premier cadavre que j'aperçus sur les froides dalles était celui de ma petite bonne amie d'alors, une brave fille qui me trompait avec toute la rive gauche. C'est pour ça, je crois, que j'y tenais tant. Épouvantable les visous. Livide, je me précipitais dans le greffe. Monsieur, fis-je, je connais la jeune fille. Votre déclaration est inutile, monsieur. On a trouvé sur elle des papiers qui établissent son identité. Elle s'est noyée avec son amant, ainsi que le dit une lettre. Mais c'est moi, son amant. Non, monsieur, c'est le jeune homme couché sur la dalle voisine. » La curiosité l'emporta sur la douleur, et j'allais contempler les traits de Montribal. Or, Montribal, savez-vous qui c'était? Non, vous ne savez pas. C'était moi, moi. Je me sentis à la tête comme une forte fêlure. Le macabée que j'avais sous les yeux, c'était bien moi, et ses vêtements, c'était bien les miens. Voyons, fis-je à part moi, du calme. Et je dis au greffier, de l'air le plus tranquille que je pus, « Comme ce jeune homme me ressemble, ne trouvez-vous pas ?» Le greffier éclata de rire. « Il vous ressemble comme moi, je ressemble au pape. » Je ne fis qu'un bond jusqu'au miroir du greffe. L'image reflétée fut celle d'un grand garçon pâle avec des favoris noirs. Vous voyez comme ça me ressemblait. Je jetai un coup d'œil sur les vêtements que je portais. J'étais costumé d'un complet à carreaux gris comme je me rappelais d'en avoir jamais porté. Les papiers que recélait le portefeuille étaient ceux d'un Espagnol totalement inconnu de moi. Moi, ou plutôt mon corps, était mort, mon âme se trouvait chez cet imbécile. Et moi, qui ne savais pas un mot d'espagnol? Ah, c'était gai. Voyez-vous d'ici ma situation? Je tombais de sommeil. Allais me coucher, mais où? Chez moi? Chez lui? Chez moi, on ne me recevrait pas. Chez lui, qu'est-ce que dirait sa femme, ses enfants, en constatant que je ne savais pas l'espagnol? J'avais son adresse, sa rue, son numéro, mais son étage. Impossible de demander au concierge qui m'aurait cru subitement devenu fou. Et puis, que dire à sa femme? Que lui dire? Oh mon Dieu! J'ai eu bien des embarras au cours de mon existence, mais jamais autant que ce jour-là. Je me rendis dans les endroits où j'avais coutume de fréquenter. Personne, naturellement, ne voulut me reconnaître. Par contre, quelques inconnus me saluèrent, me serrèrent la main, me causèrent d'une foule de choses mystérieuses auxquelles je répondis « Saura-t-on jamais comment ?» J'allais prendre un verre au Café de la Paix, où un garçon m'apporta tout de suite la époque. Puis deux messieurs qui passaient en voiture m'ayant aperçu, descendirent, et l'un d'eux me remit rapidement un billet de 1000 francs, qu'il devait sans doute à l'autre, en baragouinant un jargon tout à fait bizarre. Mon Dieu, quelle existence s'ouvrait pour moi ! Je pris mon parti brusquement. Je me tuerai demain. Mais songeant qu'on serait bien bête de se tuer avec 50 louis dans sa poche, plus une dizaine contenue dans un porte-monnaie préalable, je me ruais dans les orgies les plus byzantines. Quel souvenir, mon Dieu! Comme si ces souvenirs l'étranglaient, Harry Cover absorba d'un coup un copieux grog au whisky où il n'y avait pas du tout de sucre et de l'eau pas davantage. « Et au bout de combien de temps, fit l'un de nous, ton âme réintégra-t-elle sa véritable enveloppe ?» Harry répondit froidement. « Le lendemain matin seulement, quand je fus dessoulé. »